Joe il s'est barré. Et Joe il s'est barré. Et Joe il s'est barré. Il en avait plus qu'assez. Il aimerait bien chanter. Brought the looking glass, a 7 years of bad luck. It's a good thing in your past. When you believe in thinking that you don't understand, why she face an end. Run me on a problem. You wrote in free time, Benjamin. En trois temps. Just a petition is the rule. Betting on a man, baby. Broken looking glass. Le monsieur te dit I wish. Oh, pardon. J'avais pas lu. Je faisais une autre chanson. Je vais aller écouter ce que c'est cette chanson parce que là. Je la connais même pas cette. Et après. Come back. je la connais pas. Japon, nice son baltin. Je vais faire un petit tour sur le 2049. À plus tard. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.